Il suffit de voir les réalisations de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Elle fait des jaloux à des niveaux insoupçonnés. La Guinée équatoriale a voulu être représentée au niveau de son ambition. Tous ces nombreux traités qu'on signe, les conventions, les accords, à quoi ça sert même? Ça a quelle valeur? Ça n'a aucune valeur. Ça n'a de valeur que ça quand ça va dans le sens de l'intérêt, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux. Le jour où ils ne sont plus d'accord avec vous, ils déchirent ça Déchire. et ils commencent à raconter des vertes et des pas mûres pour justifier à base des arguties, n'est-ce pas, leur prétendue décision juridique. Vous parlez de bien mal acquis. Pour les Africains d'un certain niveau que nous sommes, on a envie de rigoler. Mais le franc CFA, c'est quoi? C'est le plus grand mal acquis, n'est-ce pas, en plein 21e siècle qui continue de... Afrique Média, le monde, c'est nous.